Vous êtes assez fous. Pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Gagné nous ouvre ses plats favoris les plus frais. Et on reçoit Angélie Durocher pour parler de la littérature. On a aussi la chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge Bourret. Assemblage requis, ça commence maintenant. Bonjour, bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 24 janvier 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, on t'en dirait des sous-titres fois à Trois-Rivières, hein? Ben ah, oui. Ah oui, c'est glissant aujourd'hui. C'est glissant, oui, faites attention quand vous mettez le pied dehors. Ouais, et c'est ça, sur les routes avec les voitures, les chevaux aussi, les petits galop. J'ai vu un gars en vélo hier, donc... Ah ouais? Tous les moyens de transport sont bons l'hiver. Ouais, j'espère que c'est rendu. Ben, espérons-le. Aujourd'hui, à l'émission, on a évidemment pour commencer, ou presque, la collègue de Stéphanie Gagné, ton plat favori, nous parle de Young the Giant. OK. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On sait pas. On sait pas. Ben non. On sait pas. On va savoir ça vers les 7h30. Environ. Ensuite, à 8h, on va voir la collègue de la GEQTR. Oui, exactement, avec Angélie Durocher qui va venir nous parler des activités qui s'en viennent. Ne. Ça vient de ne. OK, à 8h30, on va voir la chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge-Bourret, donc elle va nous parler d'un livre. Et parmi tout ça, je crois que c'est entre Angélie et Marie-Pierre, on va voir Gabriel Degrasse. Oui, exactement, qui va venir nous parler des activités à venir aussi dans le cadre du carnaval. Une chance, hein? Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le bain de neige. Je sais pas, j'ai entendu ça entre les branches. Bain de neige sous la pluie. Peut-être pas la meilleure journée pour ça. Peut-être pas. Mais aussi, évidemment, ce soir, c'est le spectacle musical du carnaval qu'on va voir à Atomic Baobab et Mister Valère. On pourrait en faire jouer tantôt. Ben oui, mais le CD est juste là. Fantastique. Et tu? On pourrait faire un petit bloc avec Atomic Baobab. Bah, ça va être bon, ça, comme on en fait tous les jours depuis la semaine passée. Mais c'est bon, donc c'est correct. Ouais. C'est pas comme ça, on était forcé de toute façon, allez. Ah, c'est ça. Puis il y a une chronique, c'est un. Peut-être c'est un fait rapide aujourd'hui. Je me suis dit, tu sais, cette semaine, on n'a pas mal le temps de faire des chroniques tant que ça, là, mais peut-être un petit quickie edition de cet un fait. OK. Ouais. Mais on va débuter en musique avec une formation que tu m'as fait découvrir, François, et j'ai apprécié. Comme, ouais. Bah, tu sais, moi, je t'apprécie toujours. Je pense que. Merci. Je pense que c'est évident. C'était, tu sais, là, Long Way. East Road. C'est ça, je l'avais dans Fast Talk. A Long Way to Go Home. Long Way to Go Home, hein, ouais. Non, ben, je sais pas. Je pense que c'est A Long Way to Go de East Road. Formation locale, c'est ça? Ouais, du coin qui vient de Shawinigan. Parfait. Histoire d'anglophone. Donc, on va entendre ça en ce moment même, là. À l'instant. Assemblage requis jusqu'à 9h sur C'est Fou 89 FM. Song to my ears, just like a lullaby when I go to sleep. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind a rest. Give my mind a rest. Thank you.

Retour, le plat favori de Stéphanie Gagné. Assemblage requis sur C'est fou. Mm-hmm. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Toujours à Assemblage requis avec FO et Mathieu. Elle est bonne. Oui, hein? On l'aime. Ben oui. Et vous aimez ça. Oui, vous aimez ça. Donc, à Assemblage requis, maintenant, on va parler avec Stéphanie Gagné. François? Oui. Oui. Steph. Rien à dire de plus, toi? Non, j'ai pas de commentaire. Non? Bon. Peut-être que t'es mieux dans ce temps-là. C'est ton plat favori. Bonjour Stéphanie. Bon matin. Hey Steph. Hey. Comment ça va? Bien, vous autres? Oui, ça va bien. Hey, François est sorti, là, je le vois. Il y a une veine dans le fond qui fait pom pom pom pom pom. Donc, Stéphanie, aujourd'hui, tu nous parles d'un film. Oui, cette semaine, je suis allée voir un excellent film. C'est My Week with Marilyn, un film anglais de Simon Curtis. Ça met en vedette Michelle Williams dans le rôle de Marilyn Monroe, actrice qu'on a pu voir dans Dawson's Creek, dans Brokeback Mountain, dans Shutter Island et dans Blue Valentine, dont j'ai déjà parlé dans une chronique il y a quelques temps. Oui. Aussi, dans le film, on a Eddie Redmayne dans le rôle de Colin Clark. Colin Clark, c'est un troisième assistant sur la production du film The Prince and the Showgirl. Et le film relate la vraie histoire entre Colin Clark et Marilyn Monroe. Elle venait tout juste de se marier avec Arthur Miller. Elle est allée en Angleterre en 56 pour filmer The Prince and the Showgirl. Et Arthur Miller est parti pendant une semaine durant le tournage. Et pendant cette semaine-là, elle n'aimait pas être tout seule. Donc, elle s'est rapprochée de Colin Clark pas mal, disons. Et Clark avait un journal intime. Il écrivait tout ce qui se passait sur le plateau du film. Et il a fini par en faire un livre quelques années plus tard. Et le film est inspiré de son journal intime, dans le fond, qui a le même titre que le film, My Week with Marilyn. Et j'ai aussi acheté le livre. J'ai bien hâte de voir si c'est aussi bon. La semaine passée, Michelle Williams a gagné un Golden Globe pour son rôle dans le film, pour son rôle de Marilyn Monroe. Elle a vraiment beaucoup toute la nervosité de Marilyn Monroe quand elle avait le trac devant un film. Sa façon de marcher, sa façon de danser, c'est vraiment identique. C'est assez spécial. Donc, elle va réussir à s'éloigner de son rôle de Dawson's Creek, là, parce que ça colle à la peau des acteurs. Ouais. James Van Der Beek en sortira jamais de ça. Non, il n'en sortira pas, c'est clair. Ton beau Pacey, c'est quoi le nom du gars, là, chose, là? Pas Pacey, ça? Qui est dans Fringe? Qui est rendu dans Oui, Fringe? C'est ça, il joue dans Fringe. Lui, il a du talent. Lui, tu le trouves beau? Ben, il est pas pire. Ouais, il est pas pichou. Pas pire. Mais c'est ça, non, c'est vraiment plus la même fille qui a joué dans Dawson's Creek. Ouais. Elle a vraiment un excellent... une excellente performance dans ce film-là. D'accord. Et aussi, je voulais vous parler d'un groupe de musique que j'ai découvert ce mois-ci. C'est Young the Giant, qui s'appelait au départ The Jakes. Oui, The Jakes. Mais ils n'ont jamais fait d'album avec ce nom-là. C'était leur nom au début en 2004, mais 5 années plus tard, en 2009, ils ont décidé de changer leur nom pour Young the Giant. C'est quelque chose d'un petit peu plus... ça rend curieux, tu sais. Mmh. Young the Giant. Ouais. Ouais. Ouais, comme... On dirait que The Jakes, ça va avec la mode qu'il y avait d'avoir tous des noms qui commencent par The. Ouais, ouais, ouais. Exact. Mmh. Ou des prénoms de jeunes garçons. Jimmy Eat World, les enfants. Less than Jake. J'avais pas pensé à ça partout. Ouais. Des prénoms de jeunes garçons. Ouais, c'est ça. Ben, jeunes garçons de téléroman américain, genre. Hey, yo, Jake! Hey, Peyton! Ouais. Pacey, entre autres. The Pacies. Ben oui, ce serait pas pire. The James Vanderbeeks, moi j'aimerais bien ça. Oh mon Dieu, non. Alors c'est ça, ils ont décidé de changer leur nom pour quelque chose d'un petit peu plus original en 2009. Ils ont juste un album à date qui est sorti en janvier 2011, un album éponyme. Et ils commencent à gagner un peu en popularité. Ils ont tourné avec Neon Trees, entre autres. Il y a plusieurs groupes qu'on connaît qui ont fait des remixes de leurs chansons. Two-Door Cinema Club, Tokyo Police Club et Rara Riot, entre autres, qui ont fait des remixes de Young the Giant. Et aussi le chanteur anglais que j'aime beaucoup, Morrissey, qui était avant dans The Smiths, autre groupe qui commence par ça. Mais ça, c'est un nom de famille, par contre. Ouais, c'est ça. Pas un nom de jeune garçon. Voilà. Et il a déjà mentionné que c'était une de ses découvertes favorites de nouveaux groupes, Young the Giant. Alors voilà, j'aime beaucoup la voix du chanteur, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans les chansons et j'ai choisi le premier et le troisième single de l'album My Body et Cough Syrup. Parfait, on va l'entendre ça dans quelques secondes. Puis après ça, ben, on va revenir avec les crudités de François-Olivier Marchand. Oui, hein? Et le dessert délicieux de Mathieu. Moi, il me fallait bien un qualificatif pour que ça rime. Hein? Merci, Steph. Merci, Steph. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ben oui, c'est une belle journée, petite. Petite. Mardi à 7h30 pour l'autre chronique, ton plat favori. Bye. Bye. On écoute My Body, the Young, the Giant. J'ai de la misère à faire une transition avec ça. Ça va commencer là, non? Un jour. Des pièces de Stéphanie Gagné pour son bloc Ton plat favori. Ça, c'était Cough Syrup de la formation Young the Giant. Et on a entendu un autre extrait de la même formation. C'était My Body au début du bloc. Et on rappelle le titre du film dont elle nous a parlé, c'est My Week with Marilyn. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Maintenant, ben, on continuera tantôt avec les crudités de François-Olivier Marchand et le dessert des cieux de Mathieu. OK? Ben oui. Parce qu'on va parler de la GQTR avec Anne-Julie Durocher. Petite intro. Billy Bop, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rap, Wiki, Wiki. On t'a pas supposé faire un rap? Bon, bonjour Anne-Julie. Mais bonjour à vous. Bon ça, matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi aussi? Fatigué un peu. Ouais, carnaval hier? Ouais, deuxième jour à matin. Ça rentre dedans? Ouais, déjà. Il en reste trois, dans le fond, qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu vas te rendre jusqu'à la fin? C'est une autre question. Ben, j'ai pas le choix. Ouais. Il va falloir que je le fasse. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans ta chronique sur la GUQTR? On parle du poste de directeur général des élections. Le DGE, le DG. OK. Oui. Mm-hmm. Puis de la première soirée de la GUQTR de 2012. Mm-hmm. Une activité à venir. Oui, t'en plais ça. Formidable. Si on commence avec le directeur général des élections, ça, en fait, c'est pour les élections de l'AGE. T'en plais ça. Les élections qui ont lieu en mars 2012. OK. Parfait. Et le poste doit être comblé pour quand? Dans le fond, on a un conseil d'administration dimanche le 29, donc dimanche qui s'en vient. OK. Puis en élection, en conseil d'administration, on va élire le directeur général des élections. OK. Donc la personne, si des fois il y a des gens qui sont intéressés, ils ont jusqu'à dimanche, samedi peut-être? Ouais, ben ça, on a comme remarqué, il y avait quand même un flou sur l'affiche, là. OK. Parce que c'était marqué 2011, mais. Okay. Mais après avoir discuté avec le secrétaire général de la GE, il y a toujours possibilité. Il y a de la place encore. Ouais, après l'avoir fait sentir très, très coupable d'avoir marqué 2011 sur la feuille. J'ai pas dit encore. Mais hier, j'y ai parlé, j'ai posé des questions, puis il m'a dit que c'était. Le monde pouvait pas encore poser leur candidature. Je vais y dire un matin. Et puis, un DGE, en fait, ça ressemble à quoi, mettons, ses tâches ou. En fait, c'est quelqu'un qui va être très, très, très occupé pendant toute la période électorale. C'est lui qu'il faut qu'il s'occupe de recevoir les mises en candidature, approuver les mises en candidature, donc s'assurer qu'il y a toutes les signatures nécessaires, que c'est bien un étudiant. C'est lui aussi qui va se charger d'informer autant les candidats que les électeurs pour que le monde aille voter. Puis les candidats, sur qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est lui aussi, en cas de litige ou de problème pendant la campagne électorale, qui vont s'assurer que... Les candidats vont se référer à lui, c'est en plein à ça. Cette personne-là. C'est en plein ça, ou une personne aussi, un électeur qui a une question, c'est aussi à cette personne-là qu'ils vont se référer. Puis, cette personne-là est quand même aidée d'un comité qui va être aussi... Formé, exactement, en conseil d'administration dimanche. C'est maximum 6 étudiants. OK. Donc, qui vont être là pour l'aider parce que c'est beaucoup de travail. OK. Ça, le comité, en fait, est-ce que c'est des gens de l'AGE? Non, c'est des étudiants aussi. OK, qui veulent s'impliquer tout simplement et puis... C'est en plein ça. Donc, okay. Puis c'est le commentaire de ceux qui l'ont fait par les années passées, c'est vraiment une belle opportunité. Puis on apprend vraiment beaucoup. Oui, c'est exigeant. Mais c'est très plaisant, puis c'est un beau travail d'équipe. Donc, c'est pour ça, c'est le fun, là. OK. Ça, c'est un poste rémunéré, j'imagine? Le poste de directeur général des élections vient avec une bourse d'implication, mais pas le comité. Là, OK, mais, le comité, c'est du bénévolat. C'est ça, mais le directeur général des élections, il faut qu'il soit disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut qu'il soit vraiment rejoignable, donc c'est un petit peu plus de travail pour ça. Puis il y a un rapport aussi à remettre en conseil d'administration à la fin de la campagne électorale qui doit rédiger, puis tout ça, puis présenter. OK. Mais la bourse, c'est quoi qu'il arrive? Il n'y a pas de règle, genre il faut absolument que tu battes le pourcentage de l'année passée, quelque chose du genre? Non, mais ça serait le fun. C'était l'année dernière qu'on a eu un très, très fort taux de participation aux élections. C'était combien? Je crois que c'était 12 % ou 11 % quelque chose comme ça. Puis je ne veux pas parler à travers mon chapeau, là, mais si je me souviens bien. Patrick. Oui, Mathieu. On est encore. Mathieu de Charlie. Ouais. Donc, c'est ça. Si je veux pas parler à travers Mathieu, je crois que c'était un des plus hauts taux de participation à travers les universités, là. C'est quand même quelque chose de dire que 12 % est un record de participation. Ouais. C'est un petit peu bizarre. Ouais. Mais donc, peut-être forcez-vous à voter, Jean, de ce. En fait, les gens se déplacent même pas. C'est sur Internet, là. Je veux dire, tu vas dans ton. C'est ça. C'est souvent dans ton cours, tu vas sur Facebook, vas regarder tes courriels, là, vas-y, va voter, puis ça finit là. Tu vas déjà voir tes courriels, de toute façon, le portail, il est là, là. Tu vas voir tes notes dessus à chaque jour, à chaque heure de chaque journée, pendant que tu les as pas, mettons. Ça, c'était sur le portail étudiant, c'est ça? Ça, c'est super simple. Clic, clic. Fait que c'est ça. Fait qu'on va espérer que cette année, on ait encore un fort taux de participation aux élections. 13 %, yeah! Oui! Est-ce qu'on sait s'il y a déjà des candidats qui... Je crois que oui, à ma connaissance. Il y en a qui s'affichent. Tu parles pour les élections ou pour le poste de DG? Non, pour les élections. On n'a pas le droit de... Personne n'a le droit de faire campagne encore. Parce qu'il n'y a pas de DGE, justement. Il n'y a pas de DGE, puis tant qu'on n'a pas commencé la campagne, il n'y a pas personne qui a le droit de s'afficher ouvertement. D'accord. Ça commence à s'organiser, mais rien de d'officiel encore. Et ça, les dates, en fait, pour la campagne électorale, ça ressemble à... Ben, sont toutes inscrites dans l'agenda. Okay. Donc, on n'a pas l'agenda ici. C'est ça. Mais la mise en candidature pour les candidats commence le 27 février. Puis on jusqu'à le mercredi en venant de la semaine de relâche. Je sais pas exactement quelle date. Oui, c'est ça, début mars. Puis après ça... Il va y avoir le débat, les candidats vont venir parler à la radio, vont venir voir. Oui, comme l'année passée. Comme toi l'année passée. Comme moi. Ben oui. Ouais. Ça avait bien été. Ben oui. Regarde comment le message est revenu. Ouais. Ben oui. Ouais. Ouais. Vous êtes sympathiques. Oh. Ah. Mais ils vont être stressés, je le sais. Mais bon. Nous? Non, eux. Mais nous aussi. Ouais, ouais. Ouais. Bon, formidable. Et puis, en fait, tu nous parlais d'une activité aussi. Oui. Je la présente. La semaine prochaine, jeudi 2 février, 19h, Chasse-Galerie. C'est la première soirée de l'AGE pour cette année. Donc, c'est la soirée de l'humour. Hier, au carnaval, il y avait une joke, une bière. Et dans le fond, jeudi prochain, c'est un peu le même principe, mais sans bière. Ah, ah, ah. Fait que... Mais revenez, mais avec des nouvelles jokes, s'il vous plaît. Mais c'est le même principe. C'est des gens, en fait, des étudiants. Exemple, je suis étudiant, je peux aller monter sur stage et compter une blague. Ben en fait, ça va être un étudiant par association étudiante qui va se présenter. Donc, il faut que l'association m'envoie un courriel à mon adresse AGE. Puis en me disant le nom de l'étudiant, son association. Puis on va y aller à tour de rôle. Puis c'est par acclamation dans la foule. Okay. Pour savoir qui va être le grand gagnant. Mais il y a aussi, si les étudiants veulent venir présenter un numéro, ils peuvent, mais ils doivent m'envoyer un courriel. Okay. Encore une fois, Anne... Non, VP socio.age à commercial.uqtr.ca. Beaucoup de lettres, d'accord. Pis c'est ça, puis c'est un maximum, c'est entre... Ben, en fond, maximum 10 minutes, là, s'ils veulent présenter un numéro, puis... Numéro de du mot. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a qui ont des vrais talents, là, contrairement à moi. Puis, hein? Voyons. Fait qu'ils peuvent venir présenter un numéro humoristique de bon goût. De bon goût, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Okay. Une joke et un punch aux fruits. Ouais, c'est ça. Ben, je pensais verre d'eau. Verre d'eau? Verre d'eau dans la face. Ouais. Après le carnaval, un verre d'eau, ça fait toujours bien. Okay. Ouais, ça calme un peu. Ouais. Et puis ça, en fait, j'imagine, ça donne des points pour la Coupe des Assos aussi. C'est en plein ça. Ils devinent bien. Je suis intelligent. Fait que c'est ça risque d'être le fun. Puis on a plein d'activités quasiment tous les jeudis de cette session-ci. Fait que je vais vous tenir au courant de ce qui se passe pour l'instant de la session. Tu t'inventes des activités juste pour avoir du matériel pour ta chronique, hein? Mais non, ils sont déjà dans l'agenda. Je suis même pas original. Ils sont déjà écrits. Je les ai choisis depuis longtemps. Ouais. Ça c'est quoi, sinon? Hein? Ça, c'est tard? Tu veux aller une semaine plus tard, là? Bon, on peut aborder, effleurer, agacer les gens. OK, 9 février... C'est question pour un champion. Oh! OK, le quiz. Ça, c'est genre génie en herbe? Oui. Oui? J'ai vraiment hâte. En plus français. Ouais. J'ai hyper hâte de préparer les questions. Ouais. Je commence la semaine prochaine, puis... C'est toi qui fais les questions? Ben, j'ai un petit comité, là, mais ça risque d'être une belle soirée agréable. On a hâte. Question de culture générale, j'imagine? Oui, c'est ça. Ouais. Puis ça, en fait, quelqu'un qui veut s'inscrire, t'envoie un courriel aussi? Mais oui. Bon. Est-ce qu'on rappelle son adresse courriel pour ceux qui veulent t'écrire? Ah, ouais. Mais oui. VP. Ouais. Socio. OK. Point. AGE. À commercial. UQTR.ca. Wow, bravo. Wow. C'est où mettre le point, là, la chose du point. C'est avant le AGE. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Donc, Anne-Julie Durocher de la GEQTR, merci. Merci à vous. Ben oui, ça va être mardi prochain qu'on va se retrouver un petit peu avant 8h. Ben oui, ça peut vrai ça. Merci encore. Cool. Bonne journée. Ben à vous aussi. Bon carnaval. Alors, mets ta tuque. Oui. Hein, tes écouteurs, mets ta tuque. OK. Non. Fais attention pour pas tomber, là. Ouais. T'en vas ton cours. Est-ce que c'est lourd, cette tuque-là? Est-ce que c'est lourd? Non, je sais pas, j'aurais comme la tête qui... Non, mais elle est comme trop grande. Puis faut que je me tienne la tête par l'arrière pour qu'elle tienne. Fait que je commence à avoir mal dans le cou. C'est pas une question si suspecte que ça. Non. Bon, excuse-moi. Vous êtes toujours assemblage requis, 8h02. On va terminer l'heure ici. On va se retrouver pour une deuxième heure tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a dans la deuxième heure, François-Olivier Marchand? Deuxième heure, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième heure, Mathieu? Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième heure, François-Olivier Marchand? J'ai comme un blanc. Pas grave. Oui, on reçoit Gabriel Degrasse qui nous parle du carnaval. Ben oui. La tuque a rappelé des choses à François. Fatigué ce matin. Pas grave. Alors, ensuite, à 8h30, Marie-Pierre Laforge-Bourret et sa chronique littéraire vont nous lire un livre. C'est ça. J'espère qu'elle va nous lire un livre. Oui. Au complet. Au complet. C'est dans la deuxième et dernière heure d'Assemblage Requis. Alors, reste avec nous. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 24 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Il me semble bien, oui. T'avais oublié ton nom. T'allais me corriger. Oui. C'est le fun que tu sois là, t'es comme mon filet. Merci. Tu oublies mon nom, maintenant. Ah, je te le rappelle. C'est ça. Toi, c'est François-Louis Marchand, tu l'as dit? Ouais, tout à fait. Bien ça, c'est bien, c'est toujours ça. Je l'avais pas dit, mais... Non, bon, ben quand même. Une chance que je suis là, moi aussi, bon. Hein? Ben, OK. Bon. Donc, tout à l'heure, avant de parler avec Anne-Julie Durocher, on va parler avec Stéphanie Gagné. Exactement. Et on va continuer avec les crudités de François-Louis Marchand et le dessin des sud de Mathieu. Donc, commençons par les crudités. François, pourquoi pas? Écoute, je te parle des crudités ce matin et je sais que c'est un sujet d'actualité en plus. OK. Je te parle d'intimidation. Ah, le bullying. Le bullying. Écoute, c'est une vidéo qui a été faite, qui a été produite, en fait, par deux enseignants de l'école secondaire Chavigny. Ah, pour vrai, OK. Dont ma copine. Ah, ta copine... Amélie Martel. Amélie Martel. Oui. Donc, c'est ça, en fait, elle a fait une vidéo avec ses élèves. Ça s'appelle « Tous contre l'intimidation », École Chavigny. Donc, vous pouvez chercher ça sur YouTube. Je le poste à l'instant sur la page, Facebook page... Facebook d'Assemblage requis. Tout à fait. Page dont vous devez absolument être un admirateur d'eux. Ben oui. Mais là, voyons donc. Un fan. Et puis, c'est ça, en fait, c'est... C'est un vidéo qui... mais c'est très bien fait. C'est sûr que j'ai un parti pris, on s'entend. Ben oui. Mais c'est ça. C'est, tu vois les élèves qui marquent, en fait, leur différence. Exemple, je sais pas, il y a un garçon qui marquait sur son affiche « Je suis gay ». Il y en a « Je suis grosse ». Mais c'est très bien fait. Et je pense que ça peut faire changer les gens un peu. Ouais. Prendre conscience que... tout le monde est différent et même toi, mettons, intimidateur, tu es différent. Ouais. Et puis ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste un regard aussi, ça peut être l'intimidation dans tous les sens. Mais voilà, en fait, là, je vous la partage, allez voir ça, il y a beaucoup de clics, ils sont déjà rendus à 6983. En combien de temps? Depuis bon, le 20 janvier. C'est très bon. Ouais, ouais. Wow, ouais, c'est ouais, vraiment très, très ça va bien. Félicitations et ça va continuer de faire le tour, surtout en mettant sur la page Facebook d'Assemblage requis. Ben, quand c'est fait. Plus 3. Lourd. Oui, tout à fait. Merci, François. Ça fait plaisir. Excellent choix. Très bonne cause. Moi, de mon côté, c'est pas grand-chose, là, vraiment, pas grand-chose. Vous connaissez tous le classique de Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ouais. Hein? OK? Mais voici un genre de mash-up entre Bon Jovi et Bon Iver. Tu connais Bon Iver? Ben oui. Donc, ça va être Bon Jovi Ver. C'est génial. Super, super cool aussi. Shut through the heart. Génial, non? Oui. Bon Jovi Ver. On dit dans l'article que les paroles de You Give Love a Bad Name sont déjà déprimantes, donc aussi bien faire une chanson déprimante de Bon Iver avec. J'adore Bon Iver. Moi aussi, j'aime bien ça. On devrait en jouer très bon. Mais ouais. Oui. Donc voilà pour oh, c'est vrai. La chronique de Stéphanie Gagné, ton plat favori. On la retrouve mardi prochain à 7h30 et accompagnée de crudités et de desserts. Ça fait toujours un trio excellent. Un trio infernal. Ah oui! Ah oui, qu'est-ce que je donnerais, qu'est-ce que je paierais pour un trio comme celui-là, moi, dans un restaurant? Maintenant, on va passer à notre petit bloc quotidien du carnaval. Vous savez, ça a lieu ce soir, donc à un moment donné, ça va être la dernière journée de notre super bloc. On va entendre tout à l'heure du Mister Valère qui va être en spectacle ce soir. À quelle heure commence le spectacle, est-ce que tu sais? Non, ça doit être aux alentours de peut-être 9h, 10h. Environ. Je sais pas, on demandera à Gabriel. Gabriel, tantôt de grâce. Oui. On va lui dire... de nous dire ça. Donc, Mister Valère avec une pièce de leur album Golden Bombay. On va entendre Brandon Marlowe. On débute avec Atomic Baobab. pourquoi pas l'extrait Unstable au 89.1 FM. C'est l'assemblage requis jusqu'à 9h. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. We'll be right back. sing a Shakespeare. Take the time, but maybe just a minute wouldn't hurt. Just a minute wouldn't hurt. Mr. Valère et la pièce Brandon Marlowe sur l'album Golden Bombay. Avant ça, on a entendu Atomic Baobab, évidemment, avec Unstable, les deux qui seront en spectacle ce soir. Si quelqu'un pouvait mimer l'heure du spectacle... Donc, laissez faire. C'est ce soir au Carnaval étudiant 2012 de l'UQTR. On en parlera d'ailleurs du Carnaval tout à l'heure avec Gabriel Degrasse. Mais pour l'instant, voici Los Campesinos, c'est By Your Hand. Pensez-vous. Hein? Il dit qu'un entrain comme ça... By Your Hand! Rididda! Assemblage requis jusqu'à 9h. Top deck could glasses of my face, reflected in the windscreen pane, throwing insults and calling names, filthy SMSs that you send through the day, by sundown become tame. So I set it in motion again. Perfect, a cruel mistress girl, the prettiest in the world. She dresses loosely in a bathrobe with her hair up in curls, 'cause we were kissing for hours with her hands in my trousers. She could not contain herself, suggest we go back to her house. Here it comes, this is the truck. She vomits down my rental tux. I'm not sure if it's love anymore, but I've been thinking of you fondly for sure. Remember what your heart is for. Is fine because the dew will temper your fall. You'll sing me lullabies in form of your cat calls. And I've been dangling in limbo, barely keeping my cool. It's like I'm snooker between the back cushion and touching the eight-ball. Keep replaying my turn till your patience is shot. You peel your white gloves off seductively before you respond. Your fingertips leave marks and graves. I lay you down atop the bay. I'm not sure if it's love anymore, but I've been thinking of you fondly for sure. Remember what your heart is for. Assemblage OK, on vient d'entendre Los Campesinos, c'est By Your Hand, excellente pièce, une de mes préférées du palmarès anglophone de C'est Fou. Maintenant, on va parler du carnaval étudiant 2012 en compagnie de Gabriel Degrasse. Bon matin. Ça va bien. Comment ça va, matin? Ça va, fatigué. Mais as-tu ça dormi? Va. Je me suis couché très tard, hein? Mais on est là ce matin. En forme? Ouais. On est là. Mais sinon, il y a le café Belaise qui peut te remonter peut-être. Je vais après, là. Dès okay. que j'ai fini avec vous autres, je m'en vais là après. C'est ouais. sûr, certain. Moi aussi. Donc, c'est bien. Aujourd'hui, les activités du carnaval, ça ressemble à quoi? On commence à quelle heure? Dans le fond, c'est déjà commencé à 8h. Oui. Le café Belaise. Ensuite, à 9h30, je me rappelle bien, 9h. On commence le bain de neige. De 9h à 10h. Oui, donc dans le fond, on n'a pas de l'heure exactement. Tout le monde se rejoint dans le 10-12 et on sort pour faire le bain de neige qui cette année s'appelle Charlie Slégel. Même s'il pleut, là, même si c'est de la glace partout. À date, oui, parce que le monde va dans la neige. Donc le monde sort okay. par la porte de garage et vont dans la neige à date. Okay. Y a-tu une croûte sans neige ou tu sais, des fois. Je pense que c'est quand même assez mou parce qu'il fait chaud dehors. Okay. Oh, ouais, il fait pas si froid que ça. Ouais. Ensuite, midi et demi à 3h, on a le soccer avec l'équipe des Patriotes qui vont être là. Ça se déroule du côté du Caps? Non, du côté de l'aire des Patriotes, dans le fond. Okay. Donc, dans les corridors entre ici et Pierre-Boucher. Puis l'autre corridor qui mène, qui est perpendiculaire à Pierre-Boucher vers la rue des Forges. OK. Ensuite de ça, la liste, dans le fond. C'est quoi ça? La liste, dans le fond, c'est qu'ils ont 24 heures pour trouver tous les objets qui sont sur une feuille. Donc, chasse au trésor, là. Exactement. Ils ont 24 heures top chrono pour nous trouver ça. Demain, environ à la même heure, on va être dans l'Albert-Tessier à les attendre pour qui nous amènent toutes leurs trouvailles. Ça peut ressembler à quoi? Ouf, c'est assez diversifié. Là, est-ce que c'est ça la liste sur Facebook? Il y a des indices qui sont postés. Est-ce que ça a rapport avec ça? Non, pas du tout. Okay, c'est okay, deux activités complètement différentes. Okay. Mais pour la liste, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment... c'est original. Là. Tu peux même pas t'imaginer ce qu'il va y avoir là-dessus. Là. Si on se fait l'an dernier. Là. OK. Ensuite, fais-moi un dessin. Qui aura lieu de 3,5 à 4,5 dans le pavillon Benjamin Sult. Pavillon des Arts. Exactement, oui. Juste pavillon des Arts, juste ici à dans côté. Dans le pavillon Yves Corbeil. Oui. Fais-moi un dessin. Ouais. OK, laisse faire. Ensuite, c'est qui le drapeau? Nouvelle activité cette année qui dure 2h30. Grosse activité qui a lieu sur tout le campus. Donc, on part à 5 par assaut. Et puis, le but est de trouver le drapeau sur le campus au complet. Il y a du monde qui sont là qui vous donne des indices. En tout cas, c'est une panoplie de règles à expliquer, là, mais pour tous ceux qui vont y participer, ça va être clairement expliqué juste avant, dans le 10-12. Puis. Ça, c'est sur le campus. Exactement, là, en fait, c'est partout sur le campus que ça a lieu. Dans tous les pavillons. Exactement, puis... oui. Ensuite, Dieu Marchi qui était là l'an dernier, qui cette année est changé pour un tournoi d'impro. Donc, qui va avoir lieu dans le 10-12. Donc, les heures restent les mêmes. Donc, 7h30 à 9h30 ce soir. Et ensuite, il va y avoir le spectacle de musique qui commence autour de 10h, 10h15 avec Atomic Baobab en première partie et Mister Valeur pour la deuxième partie. Les deux qu'on a entendus tantôt et Atomic Baobab qui est une formation locale. Exactement, qu'on adore, ouais. Gagnant de différents concours. C'était quel concours qui ont gagné? C'était. Mardi de la Relève. Mardi de la Relève au Grand Venus. Voilà, mais oui, tout à fait. Alors, pour ça va être un mardi, un gros mardi, bien rempli. Un gros marché. Un gros marché mardi. Ouais. Ça fait pour merci aussi. Effectivement. C'est ça. Merci Gabrielle Degrasse. Ça fait plaisir. On te retrouve merci beaucoup, demain. Ouais. Bonne journée. Avant ça, je pense qu'on voulait parler de... Est-ce que tu voulais parler d'un petit peu du défi Lucan? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. J'ai appris que c'est ça, tu vas te raser les cheveux. Exactement. Ben, vous allez, parce que vous exactement. Êtes exactement. Donc, on est environ une vingtaine du carnaval étudiant qui participent à cet événement pour ramasser des fonds pour le QTR. Notre objectif est rendu à 1300 et on est rendu actuellement à 8016. Donc, il reste 285 $ à ramasser. Ce serait le fun si le monde embarquait. Sur le site, dans le fond, il y a un lien sur la page Facebook, sur le site du carnaval directement. On peut faire des dons. Oui, par carte de crédit directement sur le site ou venir les porter à un membre du comité. On est toujours ouvert à ça. Donc, c'est ça, ça a lieu jeudi matin de 10h à midi dans 10-12. C'est 3 personnes à la fois qui vont se faire raser. Puis, toi, tu y passes, là? J'y passe. Ouais. À date, on est 4 membres du comité à le faire. Donc, il va y avoir Pascal Goulet dans le comité de communication. Ensuite, il y a Gabriel Couturier qui est dans le comité de programmation. Catherine Franche aussi, programmation. Et puis, il y a moi-même qui va être là pour le faire. Ouais. Et pour les gens, en fait, soit à la maison, dans la voiture, ne te voient pas, mais t'as quand même les cheveux. J'ai les cheveux, oui. J'ai les cheveux qui arrivent quasiment dans le bas du dos. Ouais. Puis, je vais avoir ça un pouce. Ça va faire changement? Ça fait changement, mais quand tu penses que c'est pour la cause... Ah non, c'est ça, exactement. Et puis, votre objectif est quand même élevé. Matin, oui. C'est pratiquement 10 000 $ là. C'est beaucoup d'argent. Exactement, oui. Donc, on rappelle le lien sur la page du Carnaval. Exactement, oui. C'est Carnaval étudiant, QTR 2012, quelque chose du genre. Ça commence à s'écrire quand exactement. C'est Carnaval. Bon. Exactement. Voilà. Sinon, venez prendre un petit café Baileys puis aller donner directement. Ouais, on est là, on est bien sympathique. Ben sympathique. Genre un peu fatigué, mais ben sympathique. Ben sympathique, on garde le sourire. Gabriel Degrasse. Hey, merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir. À demain, ça va être à une autre heure que d'habitude. Je ne sais pas trop, ça va être quand on s'en parle. Oh, parfait. Ah, attends pas trop vite. C'est ça. Excellent. Pour l'instant, on écoute la formation Le Grand Nord. On écoute Fille de Feu. Je sais pas si c'est la même pièce que j'ai mis après ta chronique hier. Voyons. Je pense que oui. Pourquoi? Je sais pas. Running gag? Pas vraiment. T'es une fille de feu? Ah, ça veut dire, je pense. Peut-être. On fire. Voilà. Dur de croire que tu tiens encore debout à part la peur de sortir à part les nuits s'endormir la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. Pas la peine de compter les heures. Tu t'en veux, mais tu t'en remets.

chaîne crevée. The Stills des retours à Vegas sur la trame sonore de Wicker Park à Assemblage Rocky au 89. Ça fait du bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Très longtemps, très longtemps. Et c'est francophone. Ben oui, en plus, hein, donc ça compte. Maintenant, on a le temps parce qu'apparemment que Marie-Pierre Laforge-Bourret, ben on va la retrouver la semaine prochaine, peut-être. Non! Oh non, je suis triste! Une chose qui a fait quand même notre annonce. Bon, on l'entend quand même. Donc, on va faire un petit C'est un fait Quickie Edition. C'est un fait Quickie Edition, donc que des faits en rafale sans explication. Et si vous en voulez des explications, mais vous essayerez de les trouver vous-même. Commençons par un sondage qui dit que 29% des personnes qui appellent le soutien technique finissent par insulter et dire des jurons à la personne à qui ils parlent. Des fois, j'en fais partie. Des fois. Des 29%? Ah, des fois. Qu'est-ce que tu dis? Mettons, à quelle compagnie? Quelle est la pire compagnie pour le soutien technique ou le service à la clientèle? Que je connais la réponse de bien des gens. Je sais pas. Certaines compagnies de téléphone, peut-être? Ouais. Ouais. Mettons. Tintin, au Japon, s'appelle Tantan. Tantan? Parce qu'en japonais, Tintin, ça se prononce Chin-Chin, et ça veut dire petit pénis. Ah. Ben, pas petit, juste pénis, en général. Tintin. Tintin. Ouais. C'est comme, ça me rappelle Fifi Bérin d'Acier. Parce qu'en anglais, c'est Pipi Longstocking. Pipi. OK. Tu sais, Pipi. Pipi. Tu dis pas ça, tu dis Fifi. Non, ça passe pas. C'est ça. Quoi que Fifi passe plus bien non plus. Ouais. Ça a pris 33 ans après l'invention du papier de toilette avant qu'on puisse le vendre sans écharde. Il y avait des possibilités d'écharde dans le papier de toilette. 33 ans après. Formidable. Incroyable. Les mois qui débutent par un dimanche vont toujours avoir un vendredi 13. Tu te rappelles, on a eu un vendredi 13 en janvier 2012. Mais... Ah, OK. Oui, vendredi 13, j'ai une émission de rock classique là-dessus. T'écoutes pas? Voyons. Non, mais vendredi... Tout le temps, les mois qui commencent par un dimanche. Ouais. Donc, quand le premier est un dimanche. Si je navigue un petit peu mon calendrier, il va y avoir un vendredi 13 en avril aussi. Ouais. Vendredi 13. Bien, donc, on sort pas cette journée-là. Non, c'est ça. Et puis, est-ce qu'il y a un autre vendredi 13? Oui, avec, on a beaucoup cette année. Là. Le 13 juillet. Ensuite, ça pourrait être long. Hein? Ça pourrait être long. Je pourrais consommer longtemps comme ça. Mais bref, beaucoup de vendredi 13 dans cette année 2012. En plus d'avoir un jour bissextile le 29 février, bien évidemment. L'Américain moyen va manger 19 livres de céréales par année. 19 livres? Quand même. Incroyablement beaucoup. Selon Crayola, d'ailleurs, Crayola, on a déjà parlé à c'est un fait du fait que Crayola, ça voulait dire craie, donc comme le mot en français craie, et huileux. Pour Yola. Donc ça, on l'avait déjà dit. Mais par contre, ce qu'on n'avait pas dit, c'était que selon Crayola, l'enfant moyen va utiliser 730 crayons de cire avant son 10e anniversaire. Ben, avant son 10e? On peut imaginer dans sa vie aussi, parce qu'après 10 ans, c'est moins fréquent l'utilisation. Toi, je sais pas, Carl, est-ce que tu as arrêté d'utiliser des crayons de cire? Je sais pas. C'est une très bonne question, mais une chose est sûre, c'est que j'en ai pas utilisé... combien? 700? 730? 730, non, ça, c'est sûr que non. Non? Bon. Pierre de Coubertin, est-ce que tu te rappelles le nom Pierre de Coubertin? On entend ça des fois, une fois de temps en temps. C'est le gars qui a fondé les Olympiques modernes et en 1912, il a gagné une médaille d'or en littérature parce que oui, la littérature était un événement aux Olympiques en 1912. La littérature. Incroyable. On estime que 10% des Européens qui sont vivants en ce moment, 10% de ces gens-là ont été conçus sur un lit Ikea. Je sais pas si ça veut dire dans les magasins, non seulement les lits Ikea une fois rendus à la maison. Quoique, il y a peut-être un pourcentage de gens. On sait jamais ce qui se passe là-dedans. Après les petites boulettes de dingue, là. Petite boulette avec la dingue. Bon. Ça veut rien dire. À Shreveport. Là, est-ce que c'est Louisiane ou Los Angeles? En tout cas, bref. On dit qu'ils veulent amener une loi, une ordonnance, d'accord, qui ferait que ce serait illégal de porter des pyjamas en public. Donc, c'est une ville aux États-Unis, à Shreveport. Interdit de porter des pyjamas en public. Ah! Pourquoi pas? Tu sais, le TSA, c'est la... Alors, je me rappelle pas des lettres, qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais c'est ceux qui surveillent tes bagages là, quand tu vas à l'aéroport. C'est la Transportation Security Administration. Tu sais, ils fouillent tes bagages, ils te font un petit tâton un petit peu partout. Là. Donc, l'année passée, la TSA a trouvé 409 085 $ 56 en monnaie qui avait été laissée derrière à des checkpoints dans les aéroports, donc des endroits où on peut laisser ses affaires. Donc, sous les règles présentement du TSA, ils peuvent garder cette monnaie-là. Donc, 409 085 $ 56 que les gens ont laissé derrière et que le TSA peut garder. Inacceptable. Ouais. Mais quand même. Surveillez donc votre argent, voyons là. Ça n'a pas d'allure, ça. Voilà pour la collègue, c'était un fait Quickie Edition. C'était rapide, c'était pas super intéressant, mais c'était rapide. Au moins, c'était rapide. Oui. Tu t'es pas fait souffrir trop longtemps. Non, ça a bien été, Mathieu. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, François. J'ai envie d'entendre une autre nouvelle entrée du palmarès francophone de C'est fou. Allons-y. Allons-y avec du cœur de pirate, parce que tu sais, on écoute souvent la pièce Adieu, et à un moment donné, c'est bien beau Adieu, mais on se tanne. Donc, on a changé d'extrait. Voici Golden Baby, 89 FM. C'est fou. Golden Baby. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui laissent de l'or derrière eux à l'aéroport. Ben non. À l'aéroport. Oh. Non. Vu d'un œil solitaire, le pied dans l'arène pour te plaire et briller au regard que j'ignorais. Mais tiens, qu'on t'aime plus que les autres, même si tu ne t'en rendais pas compte, et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Golden baby, c'en est assez de courir, te faire désirer dans ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Golden baby, c'est tout pour plaire. Tu restes fier de croire en ce qui n'existerait pas. Et si tu veux de moi, on s'est finalement embrassé, des mois sans silence, sans parler, dans l'attente qui de loin m'a déchiré. J'aurais aimé ces filles qui dans tes chansons reprennent vie, même si de loin je sais qu'on s'est menti. Golden baby, c'en est assez de courir, te faire désirer dans ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Golden baby, sans tout pour plaire, dans ton silence il reste fier de croire en ce qui n'existe. Et retrouver tes rires et tes secrets. Mais quand je l'ai vu près de toi, celle qui en chanson reprend vie, je sais maintenant que tu m'avais menti. Golden baby, c'en est assez de courir, te faire désirer en ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Golden baby, sans tout pour plaire, dans ton silence tu restes fier de croire en ce qui n'existe. Golden Baby, le cœur de pirate, assemblage requis. Ah, hein, tu l'aimes pas, celle-là? Ce qui est bon, non, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Oh, ouais, vraiment. C'est très bien. Très bien. J'avais-tu l'air de quelqu'un qui aimait pas ça? Je sais pas, des fois c'est difficile de savoir parce que t'es vraiment comme. T'es pas un livre ouvert, je dirais que t'es comme, t'as comme une façade, là. Un livre de glace. Un livre de glace. Ah ben, Colin, hein. Tu pourrais aller au, à l'hôtel de glace, là? Ouais. Lire un J'aimerais petit... ça, juste aller voir. J'avoue. Bon, juste pour le fun. Bon, tu dors pas là, hein? Moi en tout cas, je dormirais pas là. Bah, je sais pas. J'aime bien mon livre. Non, bon, ça tu peux amener ton petit snuggy là. Ton snuggy. Est-ce que t'as des snuggy à la maison? Non. Non, moi non plus. Non. J'ai jamais osé acheter ça. Je me dis, je peux pas acheter ça, j'aurai l'air de l'imbécile. Non, non, non, mais tu fais, tu reçois ça en cadeau. Oui, c'est vrai. Tu reçois ça en cadeau. C'est mieux qu'une paire de bas. Faut le dire. Ben, je suis pas prêt à dire ça. Ah. Je suis pas prêt à dire ça. Tu l'essaies, si t'as pas à l'acheter toi-même, tu sais, c'est. Mais des bas, Matt, tu peux mettre ça n'importe quel. J'avoue, mais je suis très spécifique sur mes bas, moi, tu sais. Pas des bas blancs. Non, ouais, ça, je ouais, des bas de golf, là, style. Des bas blancs. Moi, c'est. Faut pas des petites lignes, c'est pas. Non, non. Non. Non. T'es comme un gars simple dans ses goûts de bas. J'adore les bas blancs. Ouais. Côté bobette. Hein? Boxer. Boxer brief. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Bon. C'est vraiment intéressant comme discussion. Non, moi, c'est plus des bobettes, là. Que, tu vois. T'aimes ça quand c'est marqué, hein? J'aime ça quand c'est serré. ça a du soutien. T'sais. Quand c'est marqué par derrière. Quand c'est marqué bon. Par derrière. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, hein, on a une demande spéciale. Une fuite. Ah! Ah! Plus de fois, un petit clapet. C'est quoi, c'est un flapet? Ah. Pour un clapet. Un clapet? Ouais. Flip-flap. T'appelles ça un. Ah, OK, je comprends. Bon, qu'est-ce qu'on dit? On a une demande spéciale. On a une demande spéciale. Okay, spéciale. Allons-y. Ouais, on a juste de la place pour y faire jouer une pièce. Normalement, on aime ça faire des deux fois quand on a des demandes spéciales, mais on est un petit peu serré dans le temps. C'est évidemment Frédéric. Frédéric. Non, Frédéric. OK. Frédéric. Pas Frédéric des rues. Non, juste Frédéric. Frédéric. Okay. Qui nous demande une pièce de Dragonette. OK. On écoute donc. I Get Around, 89 FM. I Get Around, c'est la pièce, la meilleure pièce de leur album Fixin' the Thrill. On adore. Oh, ouais, c'est la meilleure. Ah, oui, ben oui, mais c'est du palmarès. Oh. Vétéran des palmarès, succès de la voûte. À Assemblage Rocky. We'll be right back. I Get Around the Dragonette, assemblage requis. Maintenant, elle est arrivée. On reçoit Marie-Pierre Laforge-Bourret. Bonjour! Allô! Comment ça va ce matin? Ça va. Moi, ça va très bien. Ouais. C'est les autobus et les circuits d'autobus qui ont un petit problème. Donc, j'ai fait une chronique circulation ce matin. Oui, OK. L'hélicoptère TVA. Là. Oui, pour les gens qui prennent l'autobus ce matin, attendez-vous à du retard. Je sais que moi, il y avait 20-25 minutes de retard. Et surtout les gens qui prennent la 4 des Forges. Mais t'es sûr qu'il y avait 25 minutes en retard? Est-ce que c'était 25 minutes de retard ou 5 minutes d'avance sur la prochaine? Oh, je sais plus. Des fois, c'est ça qu'on se demande. Maudit autobus. Est-ce qu'il y a de la glace, ils prennent l'avance? Ouais, donc, non, on va remettre ta chronique littéraire à demain matin, 8h, mercredi. Demain matin, 8h, parce que je vous en avais préparé une. Oui, j'avais préparé une chronique littéraire d'une quinzaine de minutes pour vous. Et à la place ce matin, un peu impromptu, je vais faire une chronique cinéma. OK. Nouveau domaine. Nouveau domaine. Pour toi. Oui, pour moi, au lieu de la chronique littéraire. Je savais pas que t'écoutais des films. Tu n'as aucune crédibilité en domaine cinématographique. Mais bon. Hein, Ça va être très léger comme chronique. Okay. Là, c'est préparé sur le fly. Là. La semaine passée, pas vendredi passé, l'autre d'avant, j'ai été voir un film à Ciné-Campus. Pour ceux qui ont... Oui, à Ciné-Campus. Pour ceux ça, qui c'est ont, au séminaire, hein? Oui, c'est au séminaire sur La Violette. Et j'ai été voir un film là-bas, puis je m'attendais à rien. Bon, un vendredi soir, j'étais toute seule, je me suis assise, je me suis dit, bon, je vais voir le film qui joue. Si c'est bon, ça sera bon, et si c'est pas bon, ben tant pis pour moi. Et c'était excellent, OK? C'est le fun, ça. Ça, c'est le fun. Ça fait une belle soirée. Tu sais, quand tu t'attends à rien... Oui. Souvent, c'est l'inverse. Tu t'attends à avoir un très bon film et tu vois... Oui, mais moi, j'avais aucune attente. Je ne savais même pas c'était quoi le titre du film. Et je suis allée m'asseoir là-bas et sérieusement, film coup de cœur. J'ai pas été marquée par un film comme ça depuis des années. Et ce film-là, c'est Oxygène, qui a été réalisé par Hans van Nieuwveld. C'est un Belge qui parle le flamand. Et avertissement tout de suite, le film est en flamand. Et, donc, à regarder sur une patte. Oui. En flamand, regarder sur une patte et avec les sous-titres en français. Pas drôle, je sais. Sous-titres en français, au moins, c'est... Il y a des gens qui sont fermés aux sous-titres, mais moi, je suis très, très ouvert à ça. Je trouve que ça, c'est super le fun d'écouter un film avec des sous-titres. Ouais, c'est plus fun souvent quand c'est la langue d'origine, ouais, mais bon, moi, je comprends pas le flamand et je suis sûre que la population ne te revient non plus. C'est ça. Non. Et ce film-là, je vais vous résumer rapidement l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme, un jeune garçon de... Je dirais entre 15 et 20 ans, qui a la fibrose kystique. Puis moi, c'est pas nécessairement une maladie que je connaissais beaucoup. Bon, je savais à peu près c'était quoi, ça touche les poumons. Mais bon, dans ce film-là, c'est traité. Le jeune homme, il se ramasse souvent à l'hôpital. Donc, des longs séjours à l'hôpital. Donc, on le voit souvent. La majorité du film est tournée à l'intérieur d'un hôpital et on voit d'autres malades, d'autres personnes qui ont des problèmes de santé. Puis c'est, oui, ça pourrait être super lourd comme film parce que, bon, c'est un sujet qui peut être lourd. Mais en même temps, les personnages sont tout en légèreté, un peu, comme pour se... pas pour se sauver, mais pour alléger leur maladie. Donc, ça touche ça. Et, les images sont super belles. À un certain moment, ils vont à la plage. Donc, c'est à Ostende, en Belgique. Et c'est tout simplement beau. Donc, les images sont très belles. Le traitement filmique est beau. Ils vont vraiment chercher les couleurs hôpital, mais ça donne la touche au film. Ouais. C'est un bel hôpital. On pourrait dire aussi on va dire ça comme ça. On pourrait dire aussi les couleurs corridors Néré-Beauchemin de l'UQTR. Ouais. Oui. Mais bon. Et c'est vraiment un film coup de cœur, un film tourné en Belgique qui est sorti en 2010. Et moi, ce qui m'a touchée dans ce film-là, c'est entre autres la manière que c'est traité, oui, mais à un certain moment, il y a un des personnages qui attend une greffe. Et tu te rends compte que c'est... un processus qui est difficile de l'attendre. Tu ne sais pas quand est-ce que ça arrive, tu ne le sais jamais. S'il va arriver. Si ça arrive. Ouais, c'est vraiment un film qui a été très touchant. Et pour les cœurs sensibles, attendez-vous pas à pleurer, à brailler. Ah ouais. Okay? Oui. Moi, j'imagine. J'étais une fontaine dans le t'as ciné-campus. T'as ça, ah oh oui! Donc, ça finit pas bien. Te le dire. C'est ça que ça veut dire. Non, je dis rien de ça, mais ils vont chercher de la musique qui vient avec ça. Ils sont allés chercher une chanson de Radiohead sur leur CD In Rainbows et c'était totalement. C'était beau et triste à la fois. Ouais. Toi, t'es membre du Ciné Campus? Oui. Oui. Ça coûte combien? Être membre, je me suis inscrite en septembre et c'était à peu près 30. Entre 35 et 40 $. Comme c'est pas cher. Oui, mais je sais que les gens, s'ils veulent s'inscrire à partir de janvier, je crois que c'est une vingtaine de dollars. Si vous voulez y aller, comme par exemple, si vous voulez y aller demain soir au Ciné-Campus, au séminaire, 19h30, pour voir Oxygène, je crois que quelqu'un qui est non-membre, je crois que c'est à peu près 5$. Tant qu'à ça, t'es mieux de te mettre membre. Ouais, si vous comptez y aller beaucoup, ça dépend de votre horaire. Puis y a-t-il encore des films la fin de semaine de... Oui, alors, en après-midi? Je crois qu'il y en a assez souvent. Je sais qu'il y en a le samedi soir, je crois qu'il y en a un le dimanche après-midi. Il y en a même pendant la semaine, ça a l'air très varié. Là. Ils peuvent en avoir le lundi, une fois de temps en temps le mardi ou le mercredi. Ou... Ça varie assez. Mais bon, à date, moi, c'est un 2 en 2 et j'ai pas été déçue. Très cool. Oui. Donc, voilà. Oxygène de Hans van Nieuwveld. Tu prononces bien. Prochaine présentation, donc on rappelle, c'est mercredi, donc demain, 19h30, ouais. 25 janvier au Ciné-Campus. Voilà. Oui, voilà. Merci Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Beaucoup. On va se revoir demain matin, ouais. 8h, pour ma vraie chronique littéraire. On se revoit tantôt, ben oui, je fais pas le bain de neige comme spectatrice, cette année. Non, l'année passée, on se rappelle, on a vu les photos, c'était l'année passée, c'était là. Oui. Est-ce qu'on lance un défi à Mathieu de faire le bain de neige? Je suis pas étudiant, je peux pas participer. C'est de même. Tu peux t'intégrer quand même. Comment? Ah non, c'est le fun de faire le bain de neige. Moi, je l'ai fait 4 ans ou 3 ans de suite. Ouais, mais l'année passée, c'était pas chaud. Il faisait moins 20 à peu près. Non, je me rappelle, l'année passée, il faisait vraiment pas chaud. Mais aujourd'hui, en fait, il mouille. C'est glacé. Oh! Une chance qu'on peut garder les bottes. Ouais, c'est vrai. Oh, ben oui. Quand même. Ouais, une chance. Ouais. Vous avez passé à un autre sujet, c'est parfait, j'ai besoin de bord. Donc, on termine l'émission ici. Merci Marie-Pierre encore une fois. Merci beaucoup à Gabriel Degrasse. Merci à Stéphanie Gagné. Merci à qui d'autre? Qui d'autre? Mathieu Plante. Anne-Julie Durocher, oui, non? Ben oui. Durocher, c'est ça, là? Ben oui. Mathieu a des crampes de cerveau. Ben oui, ben d'habitude, c'est François. C'est rare. Fait que c'est ça. D'habitude, c'est plus de ce bord-là de la table. Par là-bas. Je suis attaché. C'est les meilleurs moments. Oui, j'ai entendu hier. C'était toi. Passé la journée, ça. Donc, c'est ça, on se retrouve demain matin à 7h pour une autre édition de l'Assemblage requis. Demain, on est mercredi, il y aura Jasmine Raymond-Drainville à 7h30 avec sa chronique linguistique. On va recevoir Gabriel Degrasse aussi pour qui nous parle du carnaval. Oui. Oh. Marie-Pierre Laforge-Bourret, comme on l'a dit, qui va nous parler de littérature. Yann Martel avec sa chronique financière. Grosse émission demain, bien chargée, on aime ça. On n'a plus Myriam, par exemple. Non, on n'a plus Myriam. Wow. Oui. Correct comme ça. Enfin, il va se passer des belles choses. Ouais, ben c'est correct comme ça. Mais c'est parfait. Tu l'aimais pas? C'est quoi? Il y a une compétition entre nos chroniqueurs? Je sais pas. Je pensais pas que ça existait. Laisse faire. Je me comprends et vous me comprenez aussi. T'es comme très contente qu'elle soit plus là. Non, je suis contente pour ce qui arrive. Ah, parce c'est que, ça. Voilà. Bon. Ah, tu t'es bien rattrapé. Ben oui. Tu t'es bien rattrapé, mais. T'es quand même là. Ça sonnait bizarre. Hey. Là, vous faites sonner ça bizarre, mais c'est plein de bonnes intentions dans ce que j'ai dit. Comme dirait François, il dirait mon œil qui est le nom de la pièce de Malajube avec laquelle on va se quitter, sur une plug pour l'émission Tout ou lien qui a lieu sur C'est fou, parce que c'est une émission qui font juste des liens douteux. Puis j'ai écouté ça hier, c'était bon. Ouais. Hier, on fait jouer à Malajube, d'ailleurs, le blizzard. Ben justement, c'est ça le lien douteux. Hein? Donc écoutez donc Tout ou lien tous les lundis entre 17h et 18h et ça repasse la fin de semaine. Puis ça repasse un paquet d'autres fois que j'ai pas mis sur le site web encore. Mais ça repasse. Ça va repasser. Je voulais faire une plug, j'ai raté ma plug. Ouais. Ah. C'était douteux, un peu comme l'émission. Ouais. Ah. Est-ce qu'on continue de parler pendant toute la toune? Non. Non? Non? Myriam, elle l'aurait faite, hein? Ah, mais tu l'aimes pas. Ah. Allez, bonne journée.